Des ciseaux de la radio campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 5 au 11 décembre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui. Dans l'émission de cette semaine, comme toujours, on va avoir 3 heures de musique à se partager, toi et moi, comme des cadeaux qu'on déballe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Pendant 3 heures. Donc, on a un top 20 francophone et un top 20 anglophone. La semaine passée, notre numéro 1 anglo, c'était Center par Tania Tega featuring Shad. Et du côté francophone, c'était Rouge Pompier avec Mercredi. On va savoir si ça tient dans 3 heures. Avant ça, on a de nouvelles entrées dans cette première heure de l'émission. De James Clark Institute ainsi que Top Boost en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on va avoir du Marie-Ève Roy, Paupières et Volvettes. Oui, et on me dit qu'il faut le prononcer en français parce que c'est un groupe francophone, donc Vulvette. Est-ce que c'est vrai? Je crois que oui. D'accord. Marie-Ève Roy, tu l'as mentionné, elle a une nouvelle entrée en ce moment. On va l'entendre dans quelques instants. Elle va être avec nous plus tard dans l'émission donc pour parler de son spectacle qui est ce soir, le 6 décembre, au Gambrinus. Commençons par les 20e places. En anglophone, c'est The Top Boost avec What If She Loves You. Et du côté francophone, on va aller écouter Paupières avec Rex. Oh, tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oh, que oui. Faut pratiquer le dire comme ça. Oui, c'est ça, exact. Je vous couvre mes aveux. Nouvelle entrée. Avec la pièce What If She Loves You sur l'album Turn Around. Et ça, c'est ce groupe-là, le Top Boost, ben, je vais t'en reparler tantôt. C'est cool, hein, ça? Je me suis pas encore logué sur Facebook. Ah, c'est merveilleux. C'est ma faute. Je pensais avoir ouvert la page Facebook, mais non, j'ai pas Tu croyais avoir fait ça? Mais non. Mais tout juste avant ça, on a entendu Rex de Paupière. Paupière qui est un band d'ici, en fait, de Montréal, plus précisément, composé de Julien. Et quelques autres membres, deux autres filles. Malheureusement, je n'ai pas leur nom. Bon, t'es pas même meilleure que moi, toi. Ouais, ben, je suis loguée, c'est juste que leurs noms sont pas inscrits nulle part. Est-ce que tu veux que je te parle de Top Boost? Vas-y c'est donc. Un groupe de garage pop psychédélique des années style 60s avec Hunter Gogo, Kirill Yurtsev et Greg Johnston. C'est un groupe qui vient de Vancouver. Donc, The Top Boost. On dirait le nom d'une émission de voiture, genre Top Gear ou quelque chose comme ça, mais non, c'est The Top Boost. Oh, c'est merveilleux. Donc, voilà pour deux nouvelles entrées. Nous reste encore trois à entendre ensemble. Donc, plus tard, on aura du côté anglophone The James Clark Institute, ainsi qu'en francophone Vulvette, qu'on a mentionné tantôt. On va commencer tout ça par la nouvelle de Marie-Ève Roy, qui est Larme de joie. Mais Mathieu, je cherchais les deux filles et j'ai trouvé. En fait, le band Paupière est mené par Pierre-Luc Bégin, qui a déjà été dans We Are Wolves et Polype. Et il y a Julia Daigle et Iliane Préfontaine avec lui. OK, donc le gars, c'est Pierre, mais il n'y a pas le pot. Ouais, c'est Paupière. Paupière. J'aurais pensé que... T'as tout compris, mais on va aller écouter Marie-Ève Janvier, Marie-Ève Roy, pareil. Et on va faire ça en black top. On va faire cette erreur. Non. Wow! C'est au palmarès, c'est fou. Ah, c'est fou qu'il y a dans le 99 FM. Je vais mettre un beep sur la reprise. Bonne idée. Quand la entrée. Baby's got chaos in her veins. Lightning bolts at the break of day. But she can't run away from the devil's parade, the devil's escapades. Baby's got madness in a glance. Take two steps back and ask her to dance. But she don't stand a chance with the devil's serenade, the devil's lemonade. The devil seems to know just what I think. The devil's in her soul, don't let her drink from his punch bowl. Baby's got perils in her pulse. Mascara runs down her blouse. And I've been such a louse. The devil's charade, the devil's hand grenade. The devil seems to know just what I think. Yeah, the devil's in his soul, don't let him drink from his punch bowl. And when it's all said and done, côté anglophone par le James Clark Institute. C'était The Devil's Punch Bowl, une nouvelle entrée en 19e place. Et tout juste avant ça, on a entendu Vulvette. Ouh, non. Non. Marie-Ève Roy avant ça. Marie-Ève Roy, t'as bien raison. Ouais. On a entendu Marie-Ève Roy avec larmes de joie. Non, je voulais revenir avant de passer Vulvette. Ah, c'est ça. Pour pouvoir le redire. C'est juste pour ça. Mathieu a un malin plaisir à dire le nom du Ben en passant. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Tania, en nouvelle entrée en position numéro 18 francophone? Tu me parles de la pièce qui s'appelle La Mort? Ouais, mais le Ben, mettons, c'est qui? Je sais pas, dis-moi donc. C'est Vulvette! Vulvette! C'est pas le reste, c'est fou! 89 FM! Yeah. et la mort. Tellement immature, ça n'a pas de sens. Ah, oh, Mathieu, est-ce que tu veux savoir c'est qui ben, ça, oui, Vulvette? C'est sûr. En fait, leur biographie, elle est vraiment sortie de l'ordinaire, okay. Disons ça comme ça, elle est très originale. En fait, c'est la désinvolture juvénile des Psycho Beach Party des 60s qui tourne mal à l'aube. C'est l'enthousiasme démesuré du Hey Little Cobra de The Ripcords joué avec le cynisme des westerns révisionnistes lo-fi italiens. Et c'est le son sale du garage féminisé sans le poli. Aïe, aïe, ils ont du vocabulaire. C'est, oui, en fait, c'est Dorothée Parent-Roy, Marie-Claire Cronier, Isabelle Laterreur-Ouimet et Marie-Ève Bouchard qui se regroupent pour faire Vulvette. On va y suivre. Tantôt, bon, évidemment, on a interrompu le bloc juste pour pouvoir redire encore Vulvette pour être plus de fois possible. Est-ce que tu veux savoir comment ils se décrivent? Oui. Ils se décrivent comme étant le band de plot surf de Montréal. Hop, boy. Je vais changer de sujet. C'est la description qu'on a sur leur page Facebook. C'est une citation, voilà. Donc, tantôt, on avait écouté The James Clark Institute avec la pièce The Devil Sponge Bowl, et je n'avais pas parlé d'eux. Donc, ça, c'est James Clark, Chris Bennett, Jeff Dunn, Greg Condi et Claude Kent. Oui. C'est un groupe de Toronto. Et puis, c'est un groupe donc, qui fait des chansons style classic pop, en lui donnant un petit peu de spin power pop. Et puis, ça dit que c'est inspiré par la musique de John Lennon et Ringo Starr. Oh, rien de moins. Ils se sont basés là-dessus. Ils disent que leur genre, c'est du heartache goes pop. Donc, tu sais, quand t'as mal au cœur, comme après une peine d'amour, mettons. Ouais. Mais version pop. Voilà. C'est bien. Ouais. Voilà. Et Marie-Ève Roy, bien sûr, pas janvier. On l'a entendu au début du bloc. Comme je suis désolée, en plus, c'est pas mon artiste préféré, moi. C'est-à-dire que s'il y en avait une que t'aimais pas, c'est bien elle. Je te cite. Mathieu, fallait pas dire ça en onde. Ben, voir que Marie-Ève Janvier, écoute, c'est fou. Voyons. Ouais, non, vu comme ça. Voyons. Mais je suis désolée, non, vraiment pas mon genre. Tant mieux. On préfère Marie-Ève Roy. Et voilà. Qui va être avec nous plus tard à l'émission. Tout à fait. Génial. Maintenant, on va passer à de vieilles choses parce que nos nouvelles entrées sont terminées. On va reculer un petit peu en arrière aux pièces qui nous ont quittées depuis le précédent palmarès. Donc, voici Palmarest in Peace. Oh. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Thank you. to lose, and gambling is for fools. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Des pièces qui ont quitté les palais assez fous depuis la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. On a commencé tout ça avec KNLO et Tawa Indien, ou du moins Taba Indien, qui est la pièce favorite de Mathieu, qui est restée là pendant 6 semaines. Ensuite, une pièce qui s'est rendue jusqu'à sa destination, finalement, Rome. Plus même mène à Rome, par Elle me tue, ça a duré 7 semaines. La Féline, qui a gagné 7 semaines au palmarès avec sa pièce trophée. Mm-hmm. Charlie Wilson, j'imagine, s'est rendue elle aussi à Rome pour trouver quelque chose, parce que c'est Find You. Qui a duré 8 semaines. Et Lisa Leblanc, qui est restée là pendant 7 semaines avec Ace of Spades. Voilà, c'était les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Maintenant, on retourne à de vieilles choses, donc des choses qui ne sont pas nouvelles. On va sauter par-dessus plein de choses en français. Pour commencer, on va sauter par-dessus les positions 17 et 16 franco-tani. Oui, exactement. Donc, on va sauter par-dessus Apprendre à mentir de Lydia Kepinski. Et on va aussi sauter par-dessus Chacun de nos pas du groupe Les Passagers. Mm-hmm. Du côté anglophone, on va sauter une seule pièce. C'est celle de Croy. C'est Bones, qui monte de la... donc, qui descend, pardon, de 4 places. On va entendre plus tard The Darcys avec San Diego 1988, mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de Groenland. Oui, on parle de Times of Survival. Ça va être bon, ça. Oh, ça va être très bon, Mathieu. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oui. Tu ne crois pas si bien dire. Non. I let sleep, yeah, you got both eyes. It's not what you lose, it's what you gain. A clean slate for the will and intention. Count it down to the chase. Oh, well, sound aiming right at my face. I'm weak and easily wounded. These are our times for survival, yeah. I sleep between you. programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. bout de ton entrée pour qu'on puisse s'en aller. C'était The Darcy's avec San Diego 1988 qui monte de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Tout juste avant ça, on a entendu Groenland avec Times of Survival. Au bout de ton entrée. Au bout de ton entrée. Exact. Maintenant, on va sauter par-dessus d'autres choses en francophone. Tantôt, on se souvient qu'on a sauté Lydia Kepinski, Les Passagers. On va aussi sauter par-dessus la 15e position francophone. Exactement. On va sauter par-dessus Antoine Corriveau avec Rendez-vous. Mm-hmm. Plus tard, on va entendre Ripley et Tunes, mais on débute en position numéro 15 anglophone. Avec The Hidden Cameras et la pièce de The Day I Left Home. Caméra 3. Et tout de suite. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Tu danses proche de ma blonde en faisant des steps. Là le gros tort. Sur numéro 14 qui monte d'une place, troisième semaine de présence en anglophone. Du côté francophone, eh bien, on reste à la même position que la semaine dernière. On est quand même au palmarès de plus. Depuis 6 semaines, je parle de Ripper avec manque de respect. Et on a débuté le tout avec The Hidden Cameras et The Day I Left Home qui monte d'une place en 15e anglophone. Maintenant, on va faire un autre bloc style on saute des affaires, mais pas trop, là, genre. Oui, juste ouais, pour être ouais. Vraiment comme super gentil avec vous autres. On vous en laisse passer plus que nécessaire. Donc, on va entendre plus tard Mordicus ainsi que Elephant Stone, mais on débute en 13e franco. Oui, exactement. On a monté de 7 positions pour Gasoline. Alors, on va aller écouter L'amour véritable est aux rebelles. Deuxième fois que je place pas CD dans le lecteur. C'est pas grave, on te pardonne. Merci. Hey, parlant qu'on est en train de faire ça, chose là, Tania Baudin qu'on appelle. Oui. Une nouvelle émission de Noël. Ben oui, tout à fait. Je vais vous donner un petit aperçu tout à l'heure, un peu plus tard. Soit entre l'entrevue avec Marie-Ève Roy, exactement. peut-être un petit peu de... Pas palmarès in peace, mais ailleurs dans les palmarès. Huile de palme. C'est ça que tu m'avais dit qu'on avait aujourd'hui. C'est ça, oui, ailleurs dans les palmarès. Huile de palmarès aussi. Huile de palmarès, l'entrevue. Ouais. Et... C'est tout. Le palmarès in peace, on l'a déjà. C'est ça, le palmarès in peace, on l'a fait. Donc, je vais vous donner un petit aperçu un petit peu plus tard dans l'émission. Génial, on attend ça à l'émission de Noël. Exactement. Mais avant ça, Gasoline, l'amour véritable et tôt. Rebelle. Les palmarès, c'est fou. Ah, c'est fou, 89 FM. Dans mes yeux, et c'est de la soufflamme dans l'hiver. Avec Et la DJ. Tu vois, je cherchais Et ma chanson préférée sur le palmarès, mais non, mais ça s'appelle Et la DJ. Il y a beau dire ça, c'est pas ça le titre. Avant ça, Elephant Stone avec I Don't I See. Voyons, moi aussi, tu vois, je déparle puis je dis des choses à l'envers. Ça va pas bien aujourd'hui, c'est nous quoi, deux. Pourtant, quelle équipe. Elephant Stone avec See the Light qui monte de 6 places, c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, on a commencé tout ça avec la 13e qui a monté de 7 positions depuis la semaine dernière. Je parle bien de Gasoline avec L'amour véritable est aux rebelles. Ouais, dans ce bloc-là, on a sauté We Are Walls avec I Don't Mind. Dans quelques instants, la deuxième heure de l'émission, les positions 10 à 6. Restez là, c'est les palmarès, c'est fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 89.1. Toujours au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 5 au 11 décembre 2016. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, c'est les positions 10 à 6. On a aussi quelque chose dans la deuxième heure, ta section huile de palmarès. Exactement. Ça en vient. C'est pas mal ça pour la deuxième. En troisième, tantôt, la visite de Marie-Ève Roy pour parler de son spectacle au Gambrinus ce soir 6 décembre. Ok, oui. Ça s'en vient plus tard. Mais on commence avec les positions 10 et 9. Plus tard, les Hey Babies, The Toffees et Royal Canoe. Mais on va commencer tout ça du côté francophone avec la 10e position qui a descendu d'une place depuis la semaine dernière, faut le dire. C'est Mauve avec J'ai tout essayé. Ah, ben, c'est ça. Hein? T'essayes de monter, mais tu descends. T'essayes, mais. Un pas en avant, deux pas en arrière. Tout essayé, ça fonctionne pas. C'est pas mal, c'est fou. C'est comme ça. C'est comme ça. Beau slogan, hein? C'est pas mal, c'est fou, ben, c'est comme ça. Ben, c'est comme ça. C'est. We'll be right back. echoing your call. Did we know we'd get this far? Swallow up a butterfly, and all I want is to catch a cannon, catch a cannon. There's a bedsheet pillowing, clipped on with a clothespin. I'll make you shudder like a camera when you see me lift a mountain like a smacking up. She got me going down in style. She got me now, she got me now. She got me going down and I don't think I can take this all night. She's pulling me down to the floor with a little style. Stand up, there's no time to buy. You wanna show these boys your man. Now you gotta hit them between the eyes, cause in this game there's no place for second prize. Oh baby, I know you got the will, but you got the heart to make the kill. In this world that I'm selling out, it's just giving the people what they want, yeah. I need you to tell me this is the Sophie's Go Down in Style. Ça monte de 11 places, nouvelle entrée de la semaine passée en anglophone. Du côté francophone, on a descendu d'une position en 9e place pour le mal, pour l'amour, pour le mieux des Hey Babies. Avancé en 10e place, Royal Canoe en anglophone avec Bicycle qui monte d'une place. Et on a commencé tout ça avec Mauve et j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Excellent comme bloc. J'adore. Maintenant, on va continuer avec d'autres choses qu'on aime. Par contre, on va devoir sauter par-dessus le bloc des positions numéro 8 en anglophone. C'est The Pack 80 avec So What qui descend de la 3e. Et du côté francophone, eh bien, on a décidé de sauter par-dessus la 8e aussi. Donc, on va sauter par-dessus Balmoral avec Vertige qui, elle, est passée de la 15e à la 8e depuis la semaine dernière. Voilà. Tout ça pour faire entrer un bloc huile de palmarès. Tantôt, les suggestions musicales de Tania Baudin. Ça sera bien. Avant ça, les 7e places en anglophone, c'est Opeth avec Will of the Wisp qui descend de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, c'est On a créé un monstre avec Rencontre Surprise. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. La tête comme une bombe. vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! 7! When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life, marred with the sorrows of your stride. When time will wait for no one, it heals and when you die, when soon you are forgotten. You have written down, reads everything. Opeth, Will-O-The-Wisp, ça descend de deux places, 7e position anglophone. Ça fait 9 semaines que c'est là. On s'aime pas vraiment cette pièce-là. Mais non, on aime ça. Et du côté francophone, eh bien, c'était rencontre surprise. On a créé un monstre. Tantôt, en 6e place, on aura juste Robert ainsi que Pop. Mais maintenant, c'est le segment huile de palmarès. Oh! Ah, j'avais pas dit que je chantais dessus, il me semble. J'ai dit ça? Eh, je sais pas. Je me ce que j'avais fait de la dernière qu'est-ce fois. Qu'est-ce que tu chantes, sinon? Ça va faire deux semaines, je sais pas. Attends. De l'huile de palmarès. C'est peut-être que vous devriez voir les yeux que Mathieu fait en chantant. Huile de palmarès, c'est le segment, Tania, où tu nous fais découvrir de la nouvelle musique. Exactement. Aujourd'hui, je vais peut-être pas vous faire découvrir des nouveaux artistes, mais on a une nouvelle émission qui va commencer demain. Oui. En fait, on l'a dit la semaine dernière, En piste avec Tania Baudin, fait congé pour quelques temps, puisque la saison de course automobile est pas mal plus calme qu'elle l'est en plein milieu d'été. Donc, on a décidé tout simplement de faire une émission spéciale pour le temps des fêtes. Donc, on va remplacer En piste avec Tania Baudin. Attention pour... Mathieu, ris de moi. Un peu. Mais dis-le, les gens vont rire aussi. Pour En route vers Noël. Ou En route pour Noël. En tout cas, un des deux, je me souviens plus vraiment. C'est en quoi? En route... En route pour Noël. Ben oui, Mathieu, il dit qu'il s'est quétaine. C'est ultra... Assume-toi, Tania. Ben, je m'assume pleinement. OK, ben c'est ça, mais assume le fait que ton site est drôle. As-tu déjà vu une toune de Noël pas quétaine? C'est ça, exactement. C'est pour ça que je fais ça. Donc, j'ai tout simplement décidé, en fait, aujourd'hui, de vous présenter un aperçu de ce que va être l'émission durant les prochaines semaines. Jusqu'à la fin de l'année. Exactement, jusqu'à la fin de l'année 2016, peut-être même mi-janvier, puisqu'on va être quand même en vacances, donc vous allez pouvoir l'entendre. Et j'ai, comme je le disais, j'ai décidé de faire un aperçu aujourd'hui de ce que ça va être. Donc, je vous présente des bands ou encore des artistes, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais qui sont... je veux pas nécessairement dire qu'ils sont dans l'art de la musique de Noël parce qu'ils font autre chose de leur vie. Là. La plupart les des artistes, ouais, exactement. Ouais, okay. La plupart des artistes font rarement carrière juste dans la musique de Noël. Le temps est long, sinon. Hein? Exactement. Mais qui ont quand même produit des pièces musicales de Noël. Et c'est ce que je vais vous faire jouer aujourd'hui pour justement vous donner un aperçu de ce que vous allez avoir demain, 14h. 14h mercredi. Est-ce que ça va être toujours country? Non, c'est non. Ça. On se rappelle dans l'émission En piste avec Tania Baudin, la musique, elle était seulement country. Là, pour En route pour Noël, on a décidé de, oui, quand même garder cet aspect-là de country parce que c'est pas dans toutes les émissions où on a de la musique country. C'est donc, même dans, je dirais, approximativement zéro. Aucune, ouais, exactement. Donc, j'ai tout simplement décidé d'en garder, mais c'est sûr que le country de Noël, ça se fait beaucoup plus du côté anglophone que du côté francophone. Alors, j'ai décidé d'ajouter à ça peut-être des artistes qu'on connaît pas, mais qui ont des pièces de Noël que vous allez peut-être redécouvrir, qui sait. Et le premier band que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un band country rock canadien. Attention, qui a été formé en 1984 à Toronto. Les années 1984. Les fameuses années 1984. Tu mentionnes si souvent. Je parle de Blue Rodeo. En fait, c'est un groupe qui consiste des membres originaux, c'est-à-dire Jim Cotty, qui est à la guitare et qui est aussi chanteur. Greg Keeler, qui est aussi guitariste et chanteur. Basil Donovan, ainsi que les nouvelles additions qui sont Glenn Milchem et le multi-instrumentiste Bob Egan. Donc, le groupe a gagné plusieurs prix de musique canadienne, incluant 7 prix Juno et 7 prix Soca. Et vous allez justement retrouver cette espèce de son-là country, rock, je dirais même plus rock que country aussi à quelques reprises lorsque la pièce va jouer. Mais vous allez voir, c'est excellent. La pièce que je vais vous faire écouter aujourd'hui, c'est Christmas Must Be Tonight. Et au retour, je vais continuer à parler du Ben. C'est dans Huile de palmarès. En route vers Noël. Faut que tu le dises de même. Ouais, non, c'est en route pour Noël. En route pour Noël. Tu roules ton way. Ah, c'est encore mieux ça, Rihanna. Dans les palmarès, c'est fou. Dans les pales d'arrêt, c'est fou. Come down to the manger. See the little stranger. Wrapped in swaddling clothes, the Prince of Peace. We'll start turning, torches start burning, and the old wise men journey from the east. I will let service must be tonight. A shepherd on a hillside, where over my flock I bide. On a cold winter night, a band of angels sang. In a dream I heard a voice, said, fear not, come rejoice. It's the end of the beginning, praise the newborn King. How a little baby boy could bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. Skies, but why a simple herdsman such as I? Then it came to pass, he was born at last, right below the star that shines on high. How a little baby boy bring the people so much joy. Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. Must be tonight. Must be tonight. Must be tonight. Christmas must be tonight, Blue Rodeo. Selon la critique artistique, il faut savoir, Greg Keeler et Jim Cuddy, qui sont les deux chanteurs, seraient souvent comparés à John Lennon et Paul McCartney, comme étant les John Lennon et Paul McCartney canadiens, qui sont, c'est-à-dire, deux chanteurs et musiciens de grand talent qui ont pondu des dizaines et des centaines de bijoux de chansons et dont la complémentarité fait de Blue Rodeo justement un groupe canadien d'exception. Et ils ont quand même collaboré avec plusieurs artistes canadiens, entre autres The Drag... Tragically Hip, Burton Cummings, Great Big Sea, Cowboy Junkies et Blue Rodeo fait partie de la scène musicale canadienne depuis les 25 dernières années. Leurs albums se sont quand même vendus à plus de 4 millions de copies. Ils ont été nommés groupe de l'année 5 fois aux Juno Awards, ce qui est un record. Et en 2009, ils ont reçu une étoile sur l'allée des célébrités canadiennes à Toronto, ce qui est quand même une très bonne distinction parce qu'il y a seulement 5 groupes musicaux à avoir reçu cette fameuse étoile-là. Et en 2012, Blue Rodeo a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne durant la remise des prix Juno et le groupe se distingue notamment pour la belle complicité vocale justement des deux chanteurs qui sont Cuddy et Keeler et pour la qualité justement constante de la musique qu'ils font au fil des années. Et c'est une pièce de Noël que j'ai découvert sur Internet, sur Spotify, pour ne pas leur faire de la publicité, et que j'ai adoré. Je croyais pas que j'allais aimer ça autant, mais j'ai vraiment adoré. Cool. Le deuxième band que je vais vous faire écouter, c'est Il Volo. Là, c'est pas à confondre avec le groupe québécois Il Volo, c'est ça? Il Volo, Il Volo. Il Volo, en fait, en français, ça veut dire le vol. Et c'est un trio de deux ténors et un baryton de pop opéra italien qui sont composés de Piero Barone, Ignacio Bocchetto et Gianluca Ginoble. Et ils sont tous très jeunes, en fait, entre 93 et 95. Ce sont leur année de naissance. OK, entre 95 et 93 ans. Wow. Ils sont pas très vieux. Ils sont sur la scène musicale depuis les années 2010, mais vous allez vraiment voir, c'est un style musical complètement différent de Blue Rodeo. On parle de pop opéra. Et une des pièces de Noël que j'adore par-dessus tout et que je sifflais ce midi, entre sans autres... Sans le vouloir, en fait. Sans le vouloir, ouais. Je m'en rends pas compte. À la cafétéria ici, à l'UQTR, et la madame était vraiment contente de m'entendre siffler de la musique bon. De Noël. Ah oui. Oui, parce que je me suis comme excusée de siffler. Je pensais qu'elle faisait le saut à cause ouais. que je sifflais, puis tu sais, je tapais ses nerfs ouais. ou je sifflais mal. Puis elle a trouvé ça beau, en fait, puis elle me dit, mais non, continue. Elle t'a donné de la monnaie pour ta soupe, tout. Oui, exact. Dans ton cabaret. Elle a payé ma soupe. Donc, en fait, ce que je sifflais, c'était la pièce White Christmas, et c'est celle-là qu'on va aller entendre par Il Volo. Huile de palmarès. Sourcif. De l'annonceur qui s'est acheté des cartes cadeaux aux rivières. Mathieu, ne fais pas ça. C'est White Christmas de Il Volo, le vol en français. Comme je le disais, un trio de chanteurs pop-opéra qui ont commencé leur carrière en 2009. Ils ont participé en 2015 au festival San Remo qu'ils ont remporté. Et grâce à ça, ils sont devenus les représentants italiens au concours Eurovision de la chanson 2015. David Ferron oui. serait fier de moi. Notre chroniqueur qui adore l'Eurovision, le concours de chant européen. Exactement. Ils ont terminé en troisième place avec 292 points. Et le trio de chanteurs italiens a terminé premier du Televoting du concours de l'Eurovision Eurovision 2015. On adore ça. Ils ont 4 albums déjà à leur actif. Ils sont très jeunes, mais c'est ma chanson de Noël préférée et j'ai rarement vu une bonne version comme ça. Et on rappelle... Mathieu a pas aimé ça. On rappelle que le pronom « on » dans ce cas-ci exclut la personne derrière la console. Exactement. Parce que Mathieu en a écouté trop quand il était jeune. Je pense que oui. Et là, il me dit qu'il a une écœurantite aiguë des chansons de Noël. Ben, il trouve ça trop quétaine. S'il y avait plus que 8 chansons de Noël, ça serait cool. De Noël. Ça serait cool. Oui, c'est sûr. Mais il y en a juste genre 8-9. C'est vrai. La prochaine chanson qu'on va entendre, parce que c'est pas un band, c'est un artiste. Il est canadien, oui, disons-le. En fait, ça dit américain, mais moi j'entends dire que ça serait peut-être d'adoption canadienne. Ah, okay. En fait, c'est Alan Jackson oui, qui est un chanteur. Oui, il fait des cigarettes aussi, hein, je pense. C'est ça? Non, je crois pas. Peter Jackson, c'est pas la même chose, Mathieu. C'est Alan Jackson, qui est un chanteur américain de musique country, qui a vendu plus de 50 millions de disques. Mais là, c'est une pièce musicale vraiment de Noël que vous allez entendre. Et il a eu une grande carrière, en fait, du Tennessee à ici au Canada. C'est comme un petit velours, en fait, à ma mère et à mon parrain, qui écoutaient tout en ça quand ils étaient plus jeunes, du Alan Jackson. Ouais. Mathieu, il y a juste toi qui vas pouvoir me redonner le titre de la chanson parce que je l'ai absolument perdu. Let It Be Christmas. Et voilà, on va aller écouter Let It Be Christmas, ouais. Puis au retour, je vous en reparle. Je te suggère, si mettons, à un moment donné, t'arrêtes la musique de Noël, tu passes juste la musique country dans une émission, à un moment donné, ça pourrait s'appeler du Tennessee à Tennessee, comme Tania ici. Tennessee à Tennessee. Oui, le palmarès. Ouais, c'est ça. Au centre commercial des Rivières. Je veux dire, le palmarès. Mon Dieu! Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. Let it be Christmas everywhere, with the gold and the silver, the green and the red. Christmas everywhere, in the smiles of all children asleep in their beds, in the eyes of young babies, their first falling snow, elderly's memories that never grow old. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. Christmas everywhere, in the songs that we sing and the gifts that we bring. Christmas everywhere, in what this day means and what we believe. From the sandy white beaches where blue water rolls, snow-covered mountains and valleys below. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. disappear. Let there be love and last through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere, Christmas everywhere, Christmas everywhere. Je la laisse terminer. Let it be Christmas d'Alan Jackson. Alan Jackson qui, le 16 avril 2010, a reçu l'honneur de voir son nom inscrit sur le prestigieux Walk of Fame à Hollywood. D'ailleurs, ses nombreux succès au Billboard lui ont valu quand même la reconnaissance du public et du milieu artistique américain du monde country. C'est un artiste que beaucoup de gens aiment. Sa discographie est tellement longue que j'en aurais même pas assez de 15 minutes pour tout vous énumérer. Et Mathieu, je sais qu'il n'aime pas nécessairement la musique de Noël. Ben, mais... comme j'ai dit, j'aime pas nécessairement la musique de Noël, mais même moi, ouais. Je fais jouer du chiptune de Noël vers la fin de l'année. Donc. C'est vrai, mais sache que tu peux voir une caricature ou du moins une parodie d'Alan Jackson dans l'épisode 12 de la saison 6 de South Park, okay, où il chante une chanson qui est censée toucher les gens pendant que Stan, Kyle et Cartman construisent une échelle pour rejoindre Kenny qui est au paradis, et c'est un petit clin d'œil à une de ses chansons qui s'appelle Where Were You? Alors si jamais tu veux rire, tu peux aller réécouter l'épisode 12 de la saison 6 de South Park et tu vas voir qui est Alan Jackson. Et ben. Le dernier duo que je vais vous présenter, ça va être un duo et non pas un artiste seul, mais je vais vous parler d'un des deux artistes en particulier. En fait, c'est une chanson qui se retrouve dans un remake d'un film qui a touché des centaines et des centaines et des centaines de jeunes enfants dans les années 80. Je parle bien évidemment de La Guerre des Tuques, qui, en passant, est mon deuxième film des fêtes préféré. Il est déjà écouté. Je l'ai écouté en novembre. Oui, c'est comme ça. Et on rappelle que ton numéro 1 met ton vedette Dolly Parton. Exactement. Dans une maison de cabane. Oui, A Smoky Mountain Christmas. Un film genre que j'ai aussi écouté. De série. En fait, ça avait été, ce film-là avait été fait spécialement pour la chaîne Country Music américaine. Et je fouille moi comment mes parents ont fait pour mettre la main là-dessus, mais l'année dernière, me l'ont offert en cadeau de Noël. Oh, j'ai jamais pleuré de même. En cassette? En DVD. Ouais. J'ai le film en DVD chez moi. Je suis la femme la plus heureuse au monde juste à cause bonus? De ça. Il n'y a pas de bonus, non. Tu peux seulement l'écouter en anglais. C'est avec deux CD, c'est un gros paire de CD. Juste un CD. T'as le droit de passer de scène en scène ou de peser sur play, c'est tout. Okay. Mais c'est mon film de Noël préféré, mais il y en a un qui a marqué des centaines de Québécois, et c'est bien évidemment La Guerre des Tuques. L'année dernière, ils ont fait un remake qui est La Guerre des Tuques 3D. Personnellement, je ne l'ai pas écouté. C'est beau, par J'ai contre. De la difficulté avec les films d'animation, la je dois l'avouer. Il y a en plus aussi. Il y a Marimé, ouais. Il y a... je me souviens plus de son nom. Le conteur, là. Fred Pellerin. Aussi, qui prête sa voix dans tout ça. Au petit bonhomme à lunettes. Une des pièces que je vais vous faire écouter, en fait, c'est Amour d'hiver de Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur. Oui, Marie-Pierre dans Arthur. L'original, il y avait moins 4 ans, c'est ça? Il y avait quel âge? Je sais pas. Je sais pas. Mais Marie-Pierre Arthur, en fait, c'est une artiste d'ici, de Grande Allée au Québec, au Canada. Et elle est une bassiste, chanteuse, compositrice. On l'a déjà eue au palmarès, c'est fou. Elle a grandi à Grande-Vallée en Gaspésie. Elle est née là en 1977. Elle s'est installée à Montréal par la suite. Elle a joué de la basse dans plusieurs groupes et suit des cours de chant jazz à l'Université de Montréal. Et après ses études, eh bien, elle a enseigné le chant au cégep aussi. Elle a fait ses armes dans la musique et elle a accepté toutes sortes de contrats qu'on lui proposait pour justement pouvoir vivre de sa passion. Et elle entame une carrière solo avec l'album justement Marie-Pierre Arthur en 2009. On l'a vu à quelques reprises dans d'autres albums. Son troisième album, Si l'aurore, est sorti en 2015 et en 2016. Elle a été choisie par Ariane Moffat pour être son mentor durant la saison 4 de La Voix, mais ça n'empêche pas que nous, on l'a eu au palmarès. C'est fou, plusieurs fois avant ça. Et j'ai décidé de vous faire écouter Amour d'hiver de Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier. Dans Huile de palmarès, spécial En route Pour Noël avec Tania Baldwin. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais je me suis fait prendre au jeu. C'est aussi grand qu'une avalanche et j'ai le cœur qui flanche un peu. Mon cerveau est en l'air. de moi, mais il fait chaud dans ton manège. Janvier, y'a la glace qui fond sous nos pieds. Je voudrais me laisser aller, mais je ne fais que patiner. Le cerveau est en neige, mon cœur est pris au piège. Le vent est froid au-dessus de moi, mais il fait chaud dans ton manège. Sûr de comprendre, mais je me suis fait prendre au jeu. C'est aussi grand qu'une avalanche et j'ai le cœur qui flanche un peu. Mon cerveau est en flèche, mon cœur est pris au piège. Le vent est froid au-dessus de moi, mais il fait chaud dans ton manège. Mon cerveau est en flèche, mon cœur est pris au piège. Le vent est froid au-dessus de moi, mais il fait chaud dans ton manège. Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier, Amour d'hiver. Donc, ça vous donne un aperçu de ce qui vous attend les mercredis 14h dans l'émission En route pour Noël, qui est en remplacement dans Piste avec Tania Baudin. C'est bien que je vais l'écouter quand même, ton émission. Ben oui, j'espère. Ben oui. Tu pourrais m'envoyer une couple de tunes, chip tunes de Noël. Cool. Un petit peu de, ouais, de cross-promotion. Ben oui, clairement. Oui, c'est ça. On aime ça. C'est fou. On adore ça. Les émissions. Bref, merci Tania. Ça fait plaisir. On t'écoute les mercredis à 14h. En rappel, les dimanches en après-midi. Je crois que c'est à... Je vais aller voir, en fait, je l'ai l'horaire devant moi. Les dimanches à 17h. Tout à fait. En route pour Noël. En route pour Noël. Super. On prend une petite pause, en fait. Ça va être la fin de cette deuxième heure des Palmarès. C'est fou. On saute par-dessus les positions numéro 6. Donc, en anglophone, on saute pop avec Can't Win qui monte d'une place. Et du côté francophone, on va sauter par-dessus l'embâcle de Juste Robert. Génial. On prend une petite pause et la troisième heure s'en vient avec les positions 5 à 1, plus ou moins, et une entrevue avec Marie-Ève Roy qui s'en vient. Ouh. Troisième heure, Palmarès. Ben c'est oui. Fou. Hey. T'as bien raison. Bye. Ah, hey, pas mal. Ben attends. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. 89.1. C'est la troisième heure des Palmarès assez fou pour la semaine du 5 au 11 décembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui. Dans quelques instants, on va parler avec Marie-Ève Roy. Oui. C'est pas génial, ça? C'est merveilleux. On adore. Mais avant de lui parler, allons entendre une pièce de son album. Hein? Pourquoi pas? Blue Mais Nelson. C'est comme ça que ça se passe. Donc on écoute la pièce Pleure dans mon cou. C'est la pièce du plus récent vidéoclip. Mm-hmm. On écoute ça et puis après ça, on lui parle. Assez fou, 89 heures. Et terre de glace. Pleure dans mon cou de Marie-Ève Roy dans les palmarès C'est fou sur l'album Blue Nelson. Et justement, comme le veut la tradition de dire que c'est un hasard. Par hasard! Comme ça, là! Allô! Pouf! Magie! Marie-Ève Roy qui est avec nous en studio. Bonjour à toi! Allô! Bonsoir, presque! Ouais. Presque! Fait noir à ce temps-ci. Hein? Presque fait noir. D'après-midi. Ouais. Est-ce que ta route fut bonne quand même? Oui, très bonne. C'est pas trop dégueulasse sur les routes, non, présentement? Non, pas de neige. Fiu. Je suis... très contente. Tu seras pas forcé à chanter Agadou-doudou ce soir pendant ton spectacle au Cambrinus à 21h. Exactement. Donc, on va commencer par la base. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aborder au moins le fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, Marie-Ève Roy, que tu es membre, fondatrice, ainsi que chanteuse, guitariste, pianiste, auteur, compositrice et interprète. Je pense que tu faisais le café ouais, c'est sûr. pour le band Vulgar Machin pendant genre 20 ans, à peine. Tout le monde se demande ce qui se passe avec le groupe. Faut au moins aborder la question Vulgar Machin, What's happening? Vulgar Machin fait dodo en ce moment. Oh, comme un ours. Ouais, il est bien confortable dans son petit coin. Sa petite doudoume peluche royale, qu'on appelle. Et si on suit dans la même lignée de ça, j'entends dire patinage. Que tu sors, barre oblique, aux dernières nouvelles avec Guillaume Beauregard, qu'on a aussi eu sur les... Non, mais c'est du gros patinage. C'est mais c'est un artiste des palmarès aussi, donc il faut le mentionner. Oui. Bisous, bisous et tout. Co-fondateur, lui aussi. C'est aujourd'hui que ça sort. C'est ça. Je ne réponds pas à ça. Sans commentaire. Est-ce que vous travaillez ensemble quand même depuis la fin des Vulgar Machin ou la pause hibernation des Vulgar Machin? Non, on avait vraiment besoin de faire chacun nos projets solo. Puis moi, j'ai tout écrit mon album sans qu'il... ait un regard dessus et lui aussi, ouais, on avait... C'est ce que j'entends dire, ouais, que tu as travaillé avec Julien Minot de Manager, oui. Entre autres, Fontarabie. Là-dessus, comment ça a commencé votre relation? J'ai acheté un Wurlitzer à Julien. Qui full vintage. Full vintage 1970. C'était un son que j'avais le goût d'exploiter dans mes chansons. Puis lui, ben, il empoignait, il retapait ces pianos-là, puis il m'en a vendu un, je l'ai rencontré, puis ça s'est vraiment fait... Ça s'est vraiment fait facilement. Il m'a invité à aller enregistrer des chansons chez lui à Sainte-Ursule, non loin d'ici. Mmh, ouais. Puis, à combien de temps, Tania, à Sainte-Ursule? Selon mes souvenirs, c'est loin, quasiment une demi-heure. Mais tu sais, ça fait bien. Je suis pas allé à Sainte-Ursule depuis belle lurette. Aussi que j'aurais acheté mes crampons pour mes souliers, je vais pouvoir me rendre à Sainte-Ursule. Les chutes sont belles à Sainte-Ursule. Oui, exactement. Ouais, j'ai été. C'est magnifique. La polyvalente aussi, je pense, Sainte-Ursule. Je pense que c'est pas dans le même coin. Ça n'a pas rapport? Non. Excuse-moi. Faut être dans le coin pour savoir qu'il y a une polyvalente qui s'appelle Sainte-Ursule. Okay. Bref, je sais qu'on parle beaucoup du passé avec les Vulgars, mais ma chanson préférée des Vulgars, c'est clairement Dans ma bulle. Le smog. Ouais, Lithium. C'est autre chanson tout le temps, Dans ma bulle. Ouais, c'est une chanson un petit peu plus soft. C'est pas mal l'ambiance que t'abordes dans ton album solo. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller soft comme ça? Ta sensibilité voulait ressortir. Oui, ma féminité, ma sensibilité, ah, j'ai ouais? vraiment eu un cri de mon instinct à parler. J'avais besoin de m'approprier ma musique. Puis justement, dans Vulgar, tu sais, je passais toujours une chanson ou deux par album qui était plus smooth. Au moins, il te laissait faire. Ouais, il me laissait. il me laissait aller. Un minimum. Il y avait un quota, c'est 10%. C'est quand même des garçons très sensibles, oui. Mes compatriotes, mais ouais, j'avais envie de ça depuis longtemps, un album plus ambiant, feutré. Ouais, feutré, c'est un beau mot, ça. J'aime ça, on l'utilise pas assez. Hein. Ouais, très doux, j'avais envie de douceur. Ouais. Est-ce que c'est parce que t'étais tannée du style punk ou tout simplement justement à cause de ce fameux cri intérieur-là? Ben, tu sais, je suis pas tannée, j'écoute encore du rock, tu sais, ça fait partie de moi, mais oui, j'avais besoin de faire autre chose, de me redécouvrir à un moment donné quand tu fais 20 ans que tu fais dans le même genre. Ouais, un pattern, si on veut. Tu sais, à un moment donné, c'est que tu vas finir par trouver ça plate, puis tu vas arrêter tout court, puis c'est ça, on a très peur de ça, donc c'est pour ça qu'on se nourrit ailleurs, puis on se met en danger, c'est ça qui nous fait évoluer. Comme un ours qui change de peau de miel. Exactement. De temps en temps. Change de saveur, je sais pas. Pour ceux qui sont en hibernation. C'est exactement ça, tout se rattache. Bon, Blue Nelson, on l'a dit, je sais que tu l'as dit dans plusieurs entrevues, tu étais parti en Nouvelle-Zélande, etc., te ressourcer. Bon, l'histoire, on la connaît si on lit un minimum sur toi. Est-ce que tu vas retourner en Nouvelle-Zélande? Non, mais j'étais allée en Islande. En Islande, OK. Parle-nous de voyage. Wow. Ah ouais. L'Islande, c'est absolument magnifique. Ouais. C'est incroyable. C'est comme à chaque deux heures, c'est un nouveau paysage, une nouvelle ambiance. Okay. C'est très, très, très, très fort comme... Dépaysement. Ouais, et comme la nature est violente, tu sais, c'est puissant parce que t'es entouré de glaciers puis de... pistes de chant, désert, après t'es sur la lune, c'est vraiment. Est-ce qu'on vraiment trouve le Québec un peu plate quand on revient après ça? Ben non. Non, on aime notre Québec. Ouais. Ouais. Quelle région du Québec? Que j'aime le plus? Ouais. Ouais, je sais pas. Tout le Québec. Dans chaque région, tu réponds le nom de la région. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, c'est la Mauricie. J'adore les chutes de Saint-Ursule. Et la polyvalente. Je sais pas. La fameuse poly. Tu vas être au Gambrinus, et le Gambrinus, c'est une place appréciée en région, principalement pour leur bière et leur poutine à la bière. Si je peux te conseiller ça. Fish and Chip aussi est très excellent. Ouais, c'est vrai. Si tu veux aimer la Mauricie pour qu'elle prenne le premier spot dans ta liste, c'est avec ça qu'il faut y aller. Une très, très bonne place. Alors, on a dit tantôt que tu avais travaillé avec Julien Minot de Malajube et Fontarabie. Qu'est-ce qu'il fait sur l'album? Je sais que vous avez travaillé ensemble pas mal. Je sais qu'il y a quand même une place considérable dans l'album. Ouais, il a réalisé mon album, puis on a joué tous les instruments à deux. Fait que c'est vraiment le mix de lui et moi. Il a composé une chanson, hein? Il a composé la musique de L'Arme de joie, ouais. L'Arme de joie qu'on a entendue tout à l'heure. Qui est sur votre palmarès. Ben, une nouvelle entrée du palmarès. Quelle belle plug! question d'autres plugs, hein? T'as été nommé aux côtés de Mathieu Bérubé, Philémon Simon, Rosie Valence, Safia Dolin, comme auteur-compositeur de l'année au GAMIC, le gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Qu'est-ce que tu penses de la scène de la musique indépendante au Québec en ce moment? Qu'est-ce que tu veux... Quel mais angle veux-tu aborder? Oui, c'est une bonne idée d'approcher. Dans l'angle, est-ce que tu trouves que c'est facile de se démarquer? Est-ce que tu trouves que, mettons, comme les palmarès en tant que tel, dans les radios universitaires, est-ce que tu trouves que c'est par là qu'il faut commencer? Ou est-ce que, je sais pas, Marie-Ève Roy, t'aurais envie que tout de suite que les gens appellent 6-12-12, je sais pas pourquoi. Donne-moi un numéro qui est vrai. Ah, excuse-moi. 6-89-89. C'est ça, exactement. C'est ça. La subtilité n'est pas mon fort. Exactement. Il y a énormément de musique qui sort au Québec. C'est, je pense que moi, ma philosophie, c'est oui, de commencer, tu sais, si les radios universitaires te font jouer, moi, je pense que c'est un bon signe. C'est le pouls de où est-ce que tout commence, où est-ce que tout part. Donc, moi, je suis très heureuse de ça. Le pouls de l'art. Le pouls de l'art. Exactement. Le pouls de l'art. Est-ce que ça fait peur, justement, qu'il y ait autant de musique québécoise qui sorte comme ça? Est-ce qu'on doit tout le temps réapprendre à faire quelque chose? Oui. Ouais. Ouais. Il faut ramer vite et fort. En même temps, le succès, puis tout ça, c'est pas une finalité. Non, c'est tellement pas une finalité que, tu sais, j'en ai eu du succès avec Vulgaire Machin. Mm. Là, j'ai l'impression de recommencer un peu à zéro. Ça. La vie, c'est une rivière et c'est un comme, chemin. Attends, je voulais finir ta belle phrase. C'était cute. C'était beau, hein? Je voulais pas t'interrompre. Tu l'as tellement phrase. Interrompu. Je sais, pour faire un mauvais gag en plus, je voulais dire qu'elle avait fait. C'est comme si elle avait fait un AVM comme un Vulgaire Ah, oh, mon non, Dieu! Non, mais... tu sais, le but, c'est de faire ce qu'on Oui, c'est vrai! Oui, ben oui! Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. C'est beau. Tu vois? C'est moins beau que ce que tu allais dire avant que je t'interrompe, mais c'est ben pas. Ben ouais. Tu veux-tu que je dise? Oui! Oui! Mais tu sais, je voulais dire que tu sais, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Je sais pas sûr si c'est une question. Ça a pas l'air d'avoir été écrit par elle, cette phrase-là. Non! Ce que vous êtes en train de me dire, c'est à la prochaine. Ouais. C'est ça, exactement. Vive le Québec! J'ai perdu mon idée. C'est bien correct, je suis là pour ça. T'es avec. On va reprendre mon fil de questions prévu d'avant. T'es avec l'étiquette Costume Records. Là-dedans, il y a plein d'artistes vraiment cool. On parle de Milk and Bone, Danny Placard, une certaine Marie-Ève Roy, je sais pas si elle connaît, Jérôme Dupuis-Cloutier. Il y a plein d'autres gens. Qui sont tes préférés? C'est une question comme ça, juste des partis pris. Avec qui est-ce que tu aimerais travailler, soit dans ton étiquette de disque, avec qui tu travailles déjà, ou d'autres? Dans mon étiquette, j'ai pas de parti pris. Pas de parti pris. Les connais-tu? Non. Les connais-tu? En fait, j'ai déjà... Danny Placard, il m'a accompagné sur quelques spectacles. Okay. Donc, j'ai travaillé avec Danny. C'était plaisant. Puis c'était très plaisant. C'était un bon match. Oui, il espère son pick-up. Non, il y a plus de pick-up. Plus de pick-up? Oh, il a vendu son pick-up? Il a vendu son pick-up. Cool. Il laisse échanger contre un world leader comme toi. Les gens font des deals. C'est incroyable. Ta musique, on a parlé de musique indépendante tantôt. Comment c'était difficile de se démarquer un peu? Est-ce que c'est difficile aussi de faire l'argent là-dedans? Donc, ta musique est sur iTunes, sur Bandcamp. Comment est-ce que tu préfères que les gens te rejoignent ou achètent ton produit? Ben, sur iTunes ou, ben, tu sais, en fait, c'est quand ils l'achètent que c'est... C'est fun. C'est juste le fun. C'est juste ça, maintenant. C'est... Est-ce que tu fais des CD encore? Est-ce que tu fais des vinyles? J'ai fait des CD. J'ai pas fait de vinyle parce que manque de fonds, mais j'aurais bien aimé faire des vinyles. Moi, je pensais pas, là, tu sais, on dirait que ça fait quelques années quand même que le vinyle revient, mais j'avais pas encore pogné la piqûre. Puis dernièrement, avec mon garçon, on dirait que là, j'ai vraiment... adorer le redécouvrir le fait d'écouter des vinyles puis de mettre le CD avec, tu sais. Vraiment fait que la prochaine, j'ai essayé de faire un vinyle. C'est le fun. C'est le fun. donc, on va parler du spectacle qui a eu lieu ce soir. On disait au Gambrinus, la place où la poutine à la bière est excellente. Ça va être selon Mathieu. Ouais, mais vraiment. Comme pour la quatrième fois. On dirait que c'est ça qui m'a marqué le plus, chez le Gambrinus. Est-ce que tu viens en manger une ce soir? On dirait bien. Donc, à quoi je consente pour le spectacle de ce soir? C'est un spectacle que je fais en duo avec Manuel Gass, un excellent musicien, multi-instrumentiste. Donc, moi, je joue guitare, piano, on chante ensemble. Lui, joue guitare, des percussions. Donc, c'est une version très intime, mais pas du tout ennuyante. Wow! Encore de belles paroles. C'est le fun, ça, on aime ça. Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y aura pas Claudia Beaulieu. Oui, il va y avoir aussi, Claudia Beaulieu en première partie. J'ai hâte de la découvrir. Ah, voilà, c'est ça la twist de première partie. Et ensuite, un duo avec toi. Exact. On a tout compris. La série de spectacles va continuer. Donc, à Québec le 8, à Chicoutimi le 9, à Montréal le 11. Petit congé de 10, ça? Oui. C'est ça. C'est le temps de faire la route. Donc, le duo reste le même pour tous les spectacles? Oui. Manuel Gass? Oui. Génial. C'est super cool, ça va être ce soir, au Gambrinus. Oui, ratez pas ça. Ben non. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Tu sais, des pièces qui sont encore émotives, est-ce qu'on va jouer un petit peu plus du côté acoustique? Comment ça va marcher? Ouais. Est-ce que tu vas faire l'album? Oui, c'est sûr que je fais l'album au complet, j'ai juste des stones. Il faut que ça dure une heure, mon spectacle, mais oui, c'est l'album au complet, je fais deux reprises très, très, très cool. Que j'ai monté avec Manu des tonnes des années 80-90. On regarde la surprise. Oui. Ouais. Puis un la cover de mon band, ça c'est sûr. Puis oui, c'est un spectacle très... J'avais envie de... Moi, en faisant cet album-là, j'avais envie de me consoler parce que la musique, des fois, je l'écoute pour me consoler. Donc, c'est un peu ça que ça fait, je pense, mon spectacle. C'est doux et c'est enveloppant. Et ça console. Ah, oh, c'est bien dit. Wow, elle fait de la poésie quand elle parle. Oui. Elle fait de la console. Puis est-ce que t'es au console aussi? Je suis une vraie poète. Non. Est-ce que tu montes les slides de... Non. Ouais. Non, ça, je le sais. C'est ta job à toi. C'est vraiment plate, c'est ça. C'est tout ce que je sais faire, pas des gags, hein? Pas des gags. Donc, ce soir, on va, évidemment, au Gambrinus à 21h. C'est là que le spectacle se passe. Ça va durer plusieurs... tu l'as dit, une heure au moins. Plus la première partie. Plus la première partie. Plus la poutine à la bière. C'est ça. La fameuse belle soirée. Paye ta facture. Exact. Venez donc. Oui! Hey! Gambrinus. C'est juste à côté de l'UQTR en passant. C'est au coin de la rue, littéralement, de l'UQTR. Vous pouvez pas manquer ça. C'est des forges et celle-là. L'autre truc qui est en perpendicule. Je vais googler le tout, OK? Ouais. Gambrinus, très belle place. Et on te souhaite un très bon spectacle, Marie-Ève Roy. On va te permettre de choisir n'importe quelle pièce de ton album Blue Nelson, sauf pour l'arme de choix qu'on a déjà joué et sauf Pleure dans mon cou qu'on a entendu juste avant l'entrevue. N'importe quelle pièce et tu dois nous dire qu'est-ce qu'elle représente pour toi. Vent contraire. D'accord. Puis c'est une chanson qui parle du fait que tu sais, des fois, on se censure, on n'ose pas dire ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire. C'est une chanson qui dit que quand, justement, je me dévoile et je dis ce que j'ai à dire, je me sens mieux. Oh! Wow! Et j'avance dans la vie. Un grand coup d'amour! Frappe dans tes mains, pas sur le voisin! Comment tu vas, contraire? Merci, Marie-Ève. Merci. Très gentil. Hey, Finn, c'est pas le merci. Oh oui! Le vide s'installe au creux de mon cœur. Roy et la pièce Vent contraire sur l'album Blue Nelson, oui, au Palmarès C'est fou. On rappelle le spectacle qui est ce soir à 21h au Grand Brinus, ce soir étant le mardi 6 décembre. Exactement, coin des Forges et par Marquette, c'est la rue que j'avais oubliée tout à l'heure. Voilà. Voilà. C'est Marie-Ève Roy avec Manuel Gass et en première partie Claudia Beaulieu. On prend une pause au retour, on entre dans notre top 5 un petit peu en retard, on va sauter quelques pièces, mais restez là, les Palmarès C'est fou continue dans 2 minutes. Oui. Toujours dans les Palmarès C'est fou, on est rentré dans le top 5 maintenant après notre entrevue avec Marie-Ève Roy qu'on remercie encore, c'est vraiment oui, cool. Oui, oubliez pas ça, ce soir 21h au Gambrinus. Ce soir étant le mardi le 6, voyons, le mardi le 6 décembre. Bon, tant, quelle date difficile à retenir. 2016. 2016, notre année du Seigneur Christ. Et comme l'a dit Marie-Ève Roy, ça va vous consoler. Oui, voilà. Dans ce bloc-ci, on va jouer les 5e et 4e. Par contre, on va devoir sauter par-dessus une pièce. Donc, c'est Preoccupations qu'on va sauter. Elle est stable avec Anxiety. Plus tard dans le bloc, on va entendre Rouge Pompier et The Pretty Reckless. Mais on commence tout ça avec Clo Pelgag et ses fameuses ferrofluides fleurs. Oui, les ferrofluides fleurs. Les ferrofluides fleurs. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Mmh. Thank you. Des fois t'as l'air intéressé, des fois t'as l'air de t'amuser, des fois tu me regardes croche, des traces de bouffe d'en face. C'est-tu parce que t'es conne que tu catches pas mes farces? Je sais que t'as juste 3 ans et demi! Mais semble que tu conjugues mal. Docteur Dougie à ton âge avait un diplôme médical. J't'en droit de te trouver un peu slow. Lancer des cailloux, c'est pas normal. Hey! Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux vraiment monter? C'est moi qui paye ta garde. Dans ma tête existe, ça me donne le droit de faire exprès pour être un peu nono avant que tu sois vrai, puis que ton papa soit un idiot. Chocolat stable en troisième. Non, Rouge Pompier, je m'excuse. Lancé numéro 1 en quatrième maintenant, du côté francophone avec Mercredi. Avant ça, on a sauté par-dessus Preoccupations et Anxiety qui était celle en quatrième. On a entendu The Pretty Reckless avec Oh My God qui a monté de 3. Et on a débuté en francophone. Exactement, avec Claude Pelgag et les Ferrofluides, Fleur. Je te vois pas, Tan. Tu t'es caché. Tu ouais, t'es caché. Je sais. Ah, pauvre, tu... Je m'excuse. Ouais, c'est ça. C'est parce que tes jeux de mots de tantôt m'ont fait peur. Ah, oh, t'as honte, hein? Tu t'es caché. Exactement. Cache. On va faire la même chose que dans le précédent bloc. Pour le prochain bloc, pourquoi pas, on va faire un bloc trois quarts, comme on l'appelle. Donc plus tard, il y aura Dearly Beloved et Tania Tagak. Mais on va commencer tout ça avec Chocolat, puis ah, ouais! On l'aime-tu le dire, ce nom-là? Ah, ouais! Ah, ouais! C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Bon. T'as le dit. Bye. entering the entrance of rebirth. Remember to remember as to enter in reverse to the center of the center of the center of the dot and disperse. Rubber like circles that abound from a dot from a drop of the circles that surround it. In the water make waves that we drown it. Waves of sound that we bathe in. Then wash up on this ground and round it. We all stand on, but we all stand for the process that we hang on. Hang on, hang on, hang on. Like dot, dot, dot. It's like a rock dropped in the water submerged, but first reverberates like words that make circle shapes. Circles like records that revolve with grooves that rest and unrest and then resolve when they drop. Little dots like drops of sand from a clock spanning across the canyon, across plots of land like clocks. All we got's is hands to bang together these plots and plans and pots and pans and drop some slang from the dot, dot, dot, dot, back to the top. The center of the earth, entering the entrance of rebirth. Remember to remember is to enter in reverse to the center of the center of the center of the dot and disperse. With dust in the wind to with dust in the earth, the universe is dot at the center of the person. The circle never stops from the first rock drop to forever like dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot. Center of the center of the earth, enter in the entrance of rebirth. Remember to remember is to enter in reverse to the center of the center of the center of the dot and disperse. With dust in the wind to with dust in the earth, the universe is dot at the center of the person. The circle never stops from the first rock drop to forever like dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot. I made a choice. Found you a pair of sleeves. Beloved, I Tried to Leave, position numéro 2 qui monte de 4 places en anglophone. Du côté francophone, quoi, qu'est-ce que... quoi, c'est que... On a entendu... ah, ouais, le chocolat. Oui, avant ça, c'était Talia Tagak featuring Shad avec Center lancé numéro 1. Exactement, mais on a sauté par-dessus Bardo avec Au-delà. Voilà! Il nous reste seulement les positions numéro 1, ce qui veut dire qu'on doit faire les jeux de mots poche, comme si j'en avais pas assez fait tantôt dans l'entrevue avec Marie-Ève Roy. T'es pas obligé de les faire cette semaine. C'était pas mal, comme on dit, un gros désastre. C'était comme un accident de train que tu pouvais pas t'empêcher d'écouter ça. Pour voir ce qui allait arriver après, tu sais. Et que tu fasses comme... tu joues aux quilles. Quand tu joues aux quilles, tu parles d'Allo. D'Allo or Chuck. Delaware Chuck! c'est comme faire un tour de chapeau, c'est comme, je sais pas, c'est comme au hockey. C'est quoi ça d'être en désavantage numérique? J'en ai aucune idée. Je suis pas un gars de sport. Je sais bien pas. Mais hein? Je sais que je suis désavantagé numériquement, un par mon âge avancé, et deux par mon quotient intellectuel qui cesse de reculer, et aussi par ma dyslexie des chiffres. Oui, exact. Fois, donc je suis désavantagé numériquement de toute façon. T'as bien raison. Je sais que je me répète, que j'ai tout le temps les mêmes affaires, que je suis redondant, que je fais pas des pléonasmes, mais comment on appelle ça quand tu répètes tout le temps la même chose? Hein? Ce que le système monarchique appelle se répéter. Mm-hmm. Repeat myself. Hein? La monarchie, que ce soit la reine, que ce soit le roi, que ce soit le fou du roi ou Marie-Ève Roy, dépendant, tout dans la même famille, on se comprend. Hein? Vous êtes toutes dans la même famille. Tout pareil. Je sais pas si les parentes avec Duchess 16 du côté anglophone. Je sais pas, faudrait tester leur ADN pour essayer de pouvoir écrire un nouveau chapitre de la Bible concernant Marie-Ève Roy, le roi, sa femme et son petit prince. Sont venus chez moi. Pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là. Ah non, là, tu veux... Ben oui, je m'excuse. Hey, veux-tu rire? J'avais ça de peigner dans la tête cette semaine, ouais. Genre lundi, toute la journée. C'est pas une chance, c'est pas vrai. Je sais pas. Moi, j'ai Tagak... J'arrêtais pas de la chanter. J'ai tout le temps ça dans la tête, ça n'a pas rapport. Il y a des affaires, des fois, notre tête est incompréhensible. Bref, aide-moi, s'il te plaît, à expliquer les jeux de mots. Je sais pas si je vais être capable. Je vais t'aider. Mais si on a un accident de train, c'est parce que ça va faire un désastre. C'est la pièce du top 20 francophone en première position. T'es Dallo, là, hein? Les Dallo World Shock, comment? Les Dallo... C'est pas pire. Chuck. C'est le band, en fait. C'est quasiment recherché. Je peux même pas expliquer ta joke plate. Puis t'as pas parlé de désavantages numériques? Ben non, j'en ai juste parlé pendant 30-45 secondes, mais ouais. Tu fais semblant que j'ai pas parlé de exactement, ça. Exactement, j'ai pas compris. Oui, j'ai parlé du fait que j'étais dyslexique des chiffres. Oui, exactement, dyslexique des chiffres comme désavantages numériques. Ce qui est, en fait, l'album sur lequel se trouve le désastre des Delaware Chuck. Mm-hmm. Du côté anglophone, tu vas te répéter souvent parce que I repeat myself. Je suis redondant. C'est la pièce numéro 1 du top 20 anglophone. Duchess 16, est-ce qu'on va pouvoir mettre le petit prince, la reine, Marie-Ève Roy, tout ça dans la même famille? Parce que le band, c'est Duchess 16. Et seulement la science pourra nous le dire, parce que l'album, c'est Science Nouvelle. Et voilà, donc on écoutera ça tout à l'heure, Duchess 16, avec I Repeat Myself. Mais commençons par les Delaware Chuck. Voici la pièce désastre au premier récif. Assez fou, 89.1 FM. Parce que ta maman paye, t'es assez fine. Tu veux tout faire sauter. position numéro 1 pour la semaine du 5 au 11 décembre 2016. On vient entendre Duchess 16 et I Repeat Myself qui montent d'une place 7e semaine de présence. Et tout ça en francophone, on a entendu les Dells Howard Chalk. Et voilà, avec Désastre qui est monté de la 2e position depuis la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour l'édition de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis de 14h à 17h. Après nous, à 19h, c'est Réanimation et Matière Noire. On repasse les vendredis à 17h, même chose. Après nous, Réanimation et Matière Noire. Et puis finalement, on repasse les samedis à midi. Après nous, c'est toi, en route pour Noël. Oui, avec exactement. Honey Bowling. Vous avez tout compris. Merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à Marie-Ève Roy. Oui, merci beaucoup. 21h ce soir au Gabrinus, on vous le rappelle. Ce soir étant mardi, ce soir étant exactement le 6 décembre. Voilà. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire la position numéro 11 francophone. On parle de Catherine Durand avec Première Gelée qui a monté de la 17e position. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. C'est la plus jeune qu'on a sautée, donc on se quitte avec ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Bye! À l'automne, balayé d'oranger, saignant de rouge et or, chargé d'hélium, à demi envolé, s'accrochant au dernier de tes soupirs, refaire le tour du cadran, pouvoir tout ralentir, voir à la première.